931 POL sur le V. 2008 frère. Y'a le tir en faux, Fabella. Présentation pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'haïtien gaucher qui sort tout droit du 9-3. Plus de précision, blanc coq mon blason. Je viens à peine de goûter le rap que je vois les faux goûter le gazon. Les gros sortis pour n'importe quelle raison. Tout le temps l'impression qu'on sent pourrait faire fondre n'importe quel glaçon. Mon kiff, mettre le public à l'aise à l'aide de cruelles 16. Je suis devenu l'as du piercing sur la langue française. Celles trois lettres me désignent B.O.L. Sois sûr qu'avec le temps, prendront de la valeur comme les millésimes. Regard attentif, oreille à l'écoute. La bouche qui ne cessera jamais de cracher ce qu'il y a dans ma tête. Aucun doute, poche pleine de textes et de stylos, toujours à moitié vide. J'ai entrepris ma route avec Dieu comme seul guide. L'état, j'ai pas su esquiver tous ces jabs. Le but, pas rester accroché à lui en criant passe-moi du job, pas rester couché en attendant le pincement de joues pour se réveiller et inciter les nôtres à faire bien les choses. J'rime pas avec frime, c'est pas trop mon trip. T'as trop de frères prime, j'crois même que c'est devenu un crime de réclamer ses primes. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Faut que les miens s'élèvent, alors j'laisse mes pensées s'enfuir. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. J'sais pas si l'enfer est sur terre, mais j'compte bien m'en sortir. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Faut que les miens s'élèvent, alors j'laisse mes pensées s'enfuir. J'appuie sur la gâchette pour qu'ils visent ce qui m'entoure. De toute façon, j'suis pas là pour le faire, frère, alors j'vais pas te mentir. J'suis passé d'un chêne pointu aux branches des tilleuls, à croire que tous les arbres souhaiteraient m'avoir comme filleul. Je viens tirer une ficelle, mais pas n'importe lesquelles, celles qui me serviront à cicatriser. Si toutefois je me blesse une aile, je dois prendre mon envol, alors que personne ne touche ma plume. Elle est plutôt légère, mais se transforme vite en enclume. De l'enclos, on sort, car le clou, on serre au marteau de la justice qui nous tape sur les nerfs. À vrai dire, j'suis en désaccord avec pas mal de lois en France. Et celle qui me stresse le plus, c'est la loi du silence. Alors je fais que de l'empreinte, et c'est à mes risques. Dans le code de ma vie, trop d'erreurs que je prépare à la prochaine série. À qui je dois tout, le daron ex aequo avec la daronne. J'avance avec mes frères, mes couilles et ma parole. Laisse-moi mettre l'accent sur le dernier point de la parenthèse. Je pense pas que ma couleur de peau soit aux normes françaises. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Faut que les miens s'élèvent, alors je laisse mes pensées s'enfuir. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Je sais pas si l'enfer est sur terre, mais je compte bien m'en sortir. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Faut que les miens s'élèvent, alors je laisse mes pensées s'enfuir. J'appuie sur la gâchette pour qu'ils visent ce qui m'entoure. De toute façon, je suis pas là pour le faire, frère, alors je vais pas te mentir. Avec fierté et honneur, j'ai pris mon courage à deux mains. C'est gauche et droite qui m'empêche de tomber dans cette fosse étroite. Je suis en fait qu'un simple penseur qui à chaque fois se surpasse. En fait de prendre la parole toujours précis quand il pose sur le sort de ses proches. Car à mes yeux c'est bien plus cher que tout ce qui peut rentrer dans mes poches. Ce qui sort de ma tête, c'est ce qui devait sortir. Si aujourd'hui mes pensées s'évadent, c'est qu'elles devaient s'enfuir. Le pouvoir de lire dans l'avenir, aucunement je ne le désire. Quitte à choisir, je retournerai dans le passé avec plaisir. Mon cerveau et mon cœur sont les deux premières fortunes de mon corps. La troisième, de nombreux stars ont eu la chance de la saisir. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de contempler le ciel au clair de lune. Garde tes yeux vers les étoiles et tu n'en deviendras jamais une. Tout est écrit comme ce putain de texte dont je te fais l'offrande. Je vais pas te mentir, je suis sûr qu'on peut tous rentrer dans la légende. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Faut que les miens s'élèvent, alors j'laisse mes pensées s'enfuir. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. J'sais pas si l'enfer est sur terre, mais j'compte bien m'en sortir. J'reste fier, j'espère, c'est ce qui m'inspire. Faut que les miens s'élèvent, alors j'laisse mes pensées s'enfuir. J'appuie sur la gâchette pour tuer le vice qui m'entoure. De toute façon, j'suis pas là pour le faire, frère, alors j'vais pas te mentir. Yo.